بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس السادس والعشرون aujourd'hui le cours 26 في شرح كتاب الصلاة dans l'explication du livre de la prière de عمدة الأحكام ولا يزال الكلام حول موضع الصلاة صلاة المرأة وقد رأينا بالأمس أن المرأة تصلي خلف الرجال وأنه لا يجوز لها أن تأمهم. Et donc nous continuons le sujet de la place de la femme durant la prière et nous avons vu hier que la femme elle prie derrière les hommes et qu'il ne lui est pas permis de diriger leur prière, de diriger la prière des hommes. وكذلك إن صلت مع زوجها فلا تصطف معه وإنما تصلي خلفه. De la même façon, la femme, si elle prie avec son époux, alors elle va donc prier derrière lui. Elle ne se met pas avec lui dans le rang, mais elle se met derrière lui. وهناك مسألة أخرى متعلقة بموضوع الدرس. Il y a aussi un autre sujet qui est lié, donc un autre point qui est lié au sujet du cours. وهذه المسألة هي إمامة المرأة للمرأة. Ce sujet, ce point, c'est le fait que la femme dirige la prière d'une autre femme ou d'un autre groupe de femmes. وقد اختلفت العلماء في هذه المسألة على قولين. Et les savants ont divergé sur ce sujet selon deux avis. فذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى استحباب صلاة المرأة بالنساء وإذا صلت المرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف. Et donc les savants de l'école Shafi'ite, Hanbalite et Zahirite, ils voient qu'il est recommandé à la femme de prier et de diriger la prière des femmes. Et que si elle le fait, alors elle prie avec elle dans le rang, au milieu du rang. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas du rang comme le fait l'imam pour les hommes qui est devant le rang. Non, là, la femme, elle prie avec elle, avec les autres femmes, dans le rang, au milieu du rang. وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ مَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةٍ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأُمُّ النِّسَاءِ في المكتوبة والتطوع وتقوم وسطهن. Et parmi leurs preuves, il y a donc le texte rapporté par Abd al-Razzaq et Ibn Abi Shayba dans leur Musannaf, selon Aisha radiallahu anha, qu'elle dirigeait la prière des femmes, elle dirigeait la prière des femmes, les prières obligatoires et les prières surérogatoires, et qu'elle se mettait avec les femmes au milieu du rang. Elle se mettait avec les femmes, elle se mettait au milieu du rang, radiyallahu anha. واستدلوا ايضا بما جاء عن ام سلمه كذلك في المصنف ايضا انها امت النساء في صلاه العصر وقامت بوسطهن وقامت بينهن. Et aussi ils se sont basés sur ce qui a été rapporté de Umm Salama radiyallahu anha, qui a dirigé la prière du Asar, comme dans le Musannaf. Elle a dirigé la prière du Asar, et elle s'est tenue au milieu du rang. Elle s'est tenue donc entre les femmes. Donc voilà pour le premier avis. وَذَهَبَتْ الْمَلِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إِلَىٰ عَدَمِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ بِالنِّسَاءِ. Les savants de l'école malikite et hanafite, ils voient que la femme ne peut pas diriger la prière des femmes non plus. C'est-à-dire que les femmes, elles ne peuvent pas prier en groupe. Et donc, chacune va prier de son côté. Mais elle ne prie pas en groupe. Si elle prie en groupe, elle prie derrière un imam, derrière un homme. وَاسْتَدَلُّ بِأَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِمَنْعِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ. Et ils se sont basés sur les mêmes preuves qu'ont utilisées ceux qui disent que la femme ne peut pas diriger la prière des hommes. Al-adilla allati ra'aynaha bil-ams, les preuves qu'on a vues hier. ولكن هذا الاستدلال لا يصح. Cependant, cette l'utilisation de ces preuves là n'est pas correcte. لأن هذه الأدلة التي ذكرناها لكم بالأمس متعلقة بإمامة المرأة للرجال لا إمامة المرأة للمرأة. Car les preuves qu'on a vues hier, elles sont liées, elles montrent l'interdiction que la femme dirige la prière des hommes. Mais elles ne sont pas liées au fait que la femme dirige la prière des femmes. Et donc on ne peut pas utiliser ces preuves pour dire que la femme ne peut pas diriger la prière des autres femmes. وَكَذَلِكَ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ فَعَلَتْهُ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةٍ وَهُمَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et aussi, le fait que la femme dirige la prière des autres femmes, il y a Aïcha et Umm Salama qui l'ont fait, radiallahu anhuma. Et ces deux-là, elles font partie des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فَالرَّاجِحُ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْتَ أُمَّ النِّسَاءِ وَتَكُومَ فِي وَسَطِهِنْ. Et donc, l'avis le plus juste, c'est que la femme, elle peut diriger la prière des femmes, mais elle se met donc au milieu du rang. Elle ne va pas être toute seule devant comme le fait l'imam parmi les hommes. Et le dernier hadith du chapitre, le dernier hadith de ce chapitre, An Abdillah ibn Abbas radiallahu anhuma qol bittu inda khalati maymuna fa qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl fa kumtu an yasarihi فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه رواه الجماعة. Et donc selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit, j'ai passé la nuit chez ma tante Maymouna. Les savants ils disent qu'il est allé chez sa tante justement pour pouvoir voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adonnait à l'adoration. Il y allait et profitait justement pour apprendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé donc pour prier durant la nuit. Je me suis donc levé et je me suis placé, excusez-moi, à sa gauche. Je me suis placé à sa gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a alors pris par la tête et m'a mis de son côté droit. Il m'a mis à sa droite. فهذا الحديث فيه بيان فيه بيان موقف الرجل بيان موقف الرجل مع الإمام إذا كان اثنين فقط. Il y a dans ce hadith le fait, l'explication de la position de l'homme à côté de l'imam lorsqu'ils ne sont que deux. Lorsqu'ils ne sont que deux, tu ne vas pas te mettre derrière l'imam. Et tu ne vas pas non plus te mettre comme certains font, ils se mettent à la droite de l'imam, mais un petit peu derrière. Non, tu te mets à la droite de l'imam. Comme ça a été cité dans les textes. Tu te mets à la droite de l'imam. فَالْمَأْمُومُ يَكُونُ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ. Et donc celui qui donc suit l'imam, il se met à la droite de celui-ci. Il se met à la droite de l'imam. لكن لو صلى الرجل على يسار الإمام هل صحت الصلاة؟ Cependant, si l'homme il prie à gauche de l'imam, est-ce que la prière elle est valable? On a l'imam et l'autre qui se met à sa gauche, il se trompe. Est-ce que la prière est valable ou pas? ذهبت المالكية والشافعية والحنفية إلى صحة الصلاة. Les savants de l'école malikite, shafi'ite et hanafite, ils voient que la prière, elle est correcte, elle est authentique. Même si la personne a contredit la sunna. La personne ici n'a pas respecté la sunna. Normalement, la personne doit prier à la droite de l'imam. Elle s'est mise à la gauche, sa prière est quand même valable. Sa prière est quand même valable. وَذَهَبَتِ الْحَنَابِلَا إِلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ. Tandis que les savants de l'école Hanbalite, ils voient que la prière est caduque. La prière est caduque. Wa fil haqiqa al-qawlu bi butlan as-salat yahtaj ila dalil. Et en réalité, pour dire que la prière est caduque, il faut une preuve. Il nous faut une preuve montrant par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un compagnon de refaire sa prière, etc. Et donc, on ne peut pas dire qu'une prière est caduque comme cela. Voilà pourquoi, donc, l'avis le plus juste, wallahu alam, c'est que la prière de la personne, elle est correcte. Sa prière est authentique, elle est correcte, même si elle n'a pas respecté la sunna. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز نية الإمام لمن لم ينوي الإمامة على جواز نية الإمامة لمن لم ينوي الإمامة في أول الصلاة. Certains savants se sont appuyés de ce hadith sur ce hadith pour dire qu'il est permis à une personne d'avoir l'intention d'être imam, de diriger la prière, alors qu'il n'avait pas intention d'être imam en début de la prière. Tu arrives à la mosquée, tu vois que tout le monde a prié, ok, tu te mets derrière le poteau là-bas, tu commences ta prière, tu pries. Il y a une personne qui arrive derrière toi, elle voit que les autres ont prié, et que toi tu es en train de prier. Elle se met à côté de toi. Et donc toi, pendant que tu pries, tu prends l'intention d'être imam. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. Et ensuite, donc, on a Ibn Abbas, donc, qui est venu donc, se mettre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il priait. Donc voilà donc la parole de certains savants concernant ce sujet. Wa kadhalika fil hadith جواز الجماعة في النافلة ليلا كما رأيناه سابقا. Il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est permis d'accomplir les prières surrogatoires la nuit en groupe, comme on l'a vu précédemment avec les hadiths donc qu'on a vu la semaine dernière. وأيضا ذكر العلماء أن الحديث فيه أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. Il voit aussi les savants que dans ce hadith il y a le fait que les actes légers, qui ne sont pas nombreux, ne vont pas annuler la prière. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un acte qui ne fait pas partie de la prière. Le fait d'avoir déplacé, donc Ibn Abbas pendant sa prière. Le fait de l'avoir déplacé pendant sa prière, ça ne fait pas partie de la prière. Et ils disent, cela ne rend pas la prière caduque. Cela ne rend pas la prière donc caduque. Il est donc permis de faire des gestes pendant la prière, et ça on l'a déjà vu plusieurs fois. وأخيرا وذكروا أيضا جواز مبيت محرم المرأة عندها إن لم يكن في ذلك ضرر على الزوج. Et aussi donc les savants les ont cités qu'il est permis au mahram de la femme. Le mahram de la femme, c'est quoi le mahram? Interdit au mariage. Ça veut dire donc si le frère, un homme, est marié avec, on va dire, Abdullah, qui est marié avec Amatullah, Amatullah, elle a une sœur. La sœur de Amatullah, Zeynep. Est-ce que Abdullah, il est mahram de Zeynep? Parce qu'Abdullah, il ne peut pas se marier avec Zeynep. Ah, la mu'akkat. Et donc, ce qui est voulu par le terme mahram, c'est que tu ne peux jamais te marier avec elle. Tu ne peux pas te marier avec elle. Parce que là, si Abdullah elle divorce de Amatullah, après elle peut se marier avec Zeynep. Et donc, ce n'est pas son mahram. Et donc, il est permis au mahram de la femme d'aller chez elle, alors que le mari il est présent. Il est permis d'y aller s'il n'y a pas de mal en cela concernant le mari. Parce que donc, il se peut que le mari ait besoin de son épouse. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention à ce que cela ne gêne pas l'intimité du couple. Voilà ce que les savants ont cité par rapport à ce hadith. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on reprend demain avec un nouveau chapitre, le chapitre de l'imama, Inch'Allah ta'ala, donc la place de l'imam. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous accorde la réussite, il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakumullah.